Voyez frère, notre Dieu est bon. Il est miraculeux, merveilleux. Dans sa patrie, le 6 avril, il passera. Je t'envoie. La procédure légale est respectée. Le conseil a jugé le conseil national du travail et la convocation du ministre du travail. Ils ont délibéré. Ils ont envoyé le rapport à la présidence. Moi, je ne verrai pas. C'est moi qui m'bango. Dont la religion est devenue bâtard. Les successeurs, ce sont des incrédules. Ils ne croient même pas le véritable évangile. Il y a fois William Branham, qui était contre l'apartheid, qui était contre la ségrégation raciale, qui a déclaré et soutenu pendant des années, même contre la politique américaine, que Dieu déchargé, il a fait tous les hommes. Il a dit qu'on soit noir, blanc, jaune, blanc. Nous sommes allés habiter. Nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes passionnés d'être ça. Alors ce qu'il a défendu, ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est pour les Américains, c'est pour les Sud-Africains, mais c'est pour l'humanité entière. Il n'est que la naissance, mais d'être honoré. David, à l'époque désormais, une fête d'anniversaire le 6 avril. C'est pas biblique. Mais on honore une date. C'est symboliquement. On se souvient de quelque chose qui s'est d'une vie qui était venue au monde. D'un don envoyé du ciel. Pour bénir le peuple du monde. Un don de guérison. Pour les nations de la terre. Donc il continue à produire les effets. Même après la mort du serviteur. Croyez-vous ça? Des résultats continuent. Vous écoutez les bandes et il y a des témoignages de guérison authentiques. En écoutant les bandes. Dernièrement, il y a quelqu'un qui avait volé le téléphone d'une dame là. Mais dans le profil, il y avait l'image de la colonne de feu. Elle avait mis ça comme image de profil là. C'est l'accueil de l'écran. Le voleur est allé avec le téléphone. Moi, il a accueilli ma téléphone. Après, il a tout fait. Vous composez un numéro, vous rappelez le propriétaire. Et il lui dit, ne crains rien. Ne crains rien. Je ne peux pas garder ce téléphone. J'ai vu la photo qu'il y a là. Avec l'image là qu'il y a derrière. En tout cas, je ne saurais pas garder un tel téléphone. Ne craignez rien, venez récupérer votre téléphone. S'il vous plaît. La personne est allée, elle témoigne. Elle a récupéré son téléphone sans incident. Vous, que mettez-vous dedans? Vous voyez comment Dieu peut honorer l'image de son prophète? Alors toi, tu vas continuer à pleurer ce téléphone plusieurs fois. On n'a même pas un cas de témoignage favorable. Que Dieu nous aide à comprendre. Donnez honneur à ce que Dieu honore. Comprenez ça. Discernez l'esprit qu'il y a derrière. Voyez ce que Dieu essaye de faire. Que Dieu nous aide à détecter cette chose-là. Jésus-Christ lui-même, quand il était venu parmi ses frères là-bas en Israël, ils n'ont pas honoré. Dans le sermon, l'accusation. où j'accuse cette génération. Prêché le 7 juillet 1963. Paragraphe 123. Donc là, il est là, monsieur. Non pas les pécheurs, mais les justes, le peuple le plus vieux, comme dit la Bible. Le peuple le plus pieux de tout la population de la terre. Il, c'est-à-dire l'église de ce jour-là, ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Pas vrai? Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Maintenant, il porte un jugement défavorable sur la parole qui œuvre à travers l'homme. Nous encore, les gens religieux, les églises du monde, les hommes de ce monde ici, n'arrivent pas à honorer comme il se doit. Mais Dieu sait comment tirer sa gloire. Même les choses viles et négligées de la terre. Vous voyez, ils font tout simplement l'inverse. Alors que ce qui est dans la personne, ce Saint-Esprit qui œuvre à travers elle, c'est la confirmation de Dieu. Alors, ne vous appuyez pas sur le jugement défavorable qui vient des hommes. Oh, le groupe des églises, tel, oh, les protestants ont dit que le livre de l'Esprit-Saint est libre de la magie. Des jugements défavorables. Et pourtant le Saint-Esprit est vrai dans cet homme-là. Et le Saint-Esprit qui a utilisé le verbe, il est lui-même la confirmation. Tout ce que les hommes disent n'est que vanité. Ce que Dieu a dit est valable. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Recevez le prophète. Discernez l'esprit qu'il y a là. Êtes-vous là? Vous pouvez nous lire ce que le Saint-Esprit a dit de lui? Parmi la minorité des élus, l'église de Jésus-Christ. Oh, mes chers amis, je vais lire dans la prédication l'âge de l'église de l'Odyssée. Laissez-moi chercher ça. L'âge de l'église de l'Odyssée. Il sera bon. Ok. L'Odyssée. C'était en décembre 1960. Voyons ce que Frère Branham déclare là-bas. Ou ce qui s'est passé pendant la prédication vers la fin. Oh, miséricorde. L'âge, c'est du 11 décembre 1960. Dieu de merveille existe encore. Le don du Saint-Esprit authentique existe encore. Je crois ça. De tout mon cœur, je crois que Dieu, il confirme encore ce don, il est manifeste encore. Dans l'âge de l'église de l'Odyssée, paragraphe 306. Vers la fin de la prédication, un frère parle en langue et un autre interprète. Qu'est-ce que ça dit? Oui, mon peuple, ce soir, je suis venu vers toi. Oui, comme le feu de la fineur. Comme le feu de la fineur. Affineur, c'est lui qui affine, qui fignole, qui parachève, qui rend excellent l'œuvre qu'il a amorcée, son ouvrage. Oui, ce soir, je suis venu vers toi comme la potasse de Foulon. La potasse de Foulon. Interprète Kali. Hein? La potasse de Foulon. Tanga et Moga ka potasse de Foulon, Toléka. Si tu n'as pas de mots, tu vas dire quoi? Il ne faut pas tromper. Hein? Hein? Souvenir de toi comme la potasse de Foulon. N'ayez pas une erreur la potasse de Foulon. Oui. Dis-je. Oui, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Nazali ko pame la paix comme la paix. Je te le dis, repens-toi. Oui, bisio, yambola musu. Repens-toi et convertis-toi. Oui, afin que tout tes péchés soient effacés. Na fumeta musu na wetu na kolongwanyo. Écoutez, le temps de rafraîchissement est maintenant venu. De la présence du Seigneur. Le temps de rafraîchissement est venu maintenant de la part du Seigneur. J'espère que pour le croyant biblique, ça vous rappelle une écriture. Qui a été lu ici à la chaire il y a 48 heures. Vendredi, dans la prédication de vendredi. Acte 18, chapitre 3, verset 19 à 21. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui et qui est prédestiné à la Kamachi. Jésus-Christ, le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout homme. Et vous devez parler enseignement par la bouche de ces saints prophètes dont Dieu voit. Le temps de rafraîchissement était promis. Et aussi le temps de rétablissement de tout homme. Dans cette écriture prophétique, écoutez, le Saint-Esprit s'empare d'un frère. Il parle, il donne ça comme un message en langue. En langue étrangère. Et il s'empare d'un autre frère. Il interprète cela dans la langue où on nous les traduit. Voilà. Et ça dit ce que ça dit là. Dieu confirmant par le canal d'une prophétie l'accomplissement d'une promesse biblique. Quelle chose authentique et glorieuse. Dieu lui-même confirmant par une prophétie par l'assemblée locale l'accomplissement d'une promesse biblique. Il y a des siècles. Et que celui qui a des oreilles entend, et que celui qui peut voir voie. Écoutez. Le temps de rafraîchissement est maintenant venu de la présence du Seigneur. Oui, péniche, mon prophète. Suivez. Écoute la voix de mon prophète. Que je t'ai envoyé pour t'annoncer la vérité présente. Dieu disant qu'il y avait un prophète que lui Dieu avait envoyé à son peuple pour annoncer à son peuple la vérité du temps présent. Et le Saint-Esprit demande au peuple de Dieu d'écouter la voix de son prophète. Qui est-il? Manu. À chacun de comprendre. Gagne au tangi comboté. Prophétie et lobby, prophète en gros a gagné déjà. Basengi li boto na Zambe et yoga mungongo na ye. Amen. Zambe yeme ya bengi yem nani? Musakoli. A bengi yem nani? Musakoli. Ok. Et lui-même a dit qu'il n'était pas. Yemo ba nkoki na zaki? Musakoli te. Mais Dieu, par le Saint-Esprit, dans l'église, officiellement, il l'appelle son prophète. A bengi yemoko, musakoli na ye. Amos aussi avait dit, je ne suis pas prophète. Mais Dieu lui avait dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Que vas-tu retenir? L'épreuve des ministères. Comme Kama et le Tom. Amen. Ok. Io. Oui. Io. Prédige. Sois établi dans la vérité présente. Je me demande solo où il est fait faillite. Oui. Io. Cette parole de prophétie. Mais qui est d'autant plus certaine. Oh. Cette parole prophétique qui est autant plus certaine. Oui, qui est venu à toi de ma parole. Je te dis, je te confirmerai cette parole au fur et à mesure que les jours passent. Dit l'Esprit du Seigneur. Cette partie ici qui promet encore quelque chose au peuple de Dieu. Et nous, pour le tabernacle chrétien, et pour l'église à laquelle Dieu parle, et pour son peuple, Dieu va-t-il confirmer cette parole au fur et à mesure que les jours passent, jusqu'à nos jours encore, et même les semaines et les jours qui viennent, prenez-vous Dieu en moi, et ayez foi dans l'esprit de prophétie. Dieu ne faillira pas. Ils n'ont jamais fait ça. Il exécutera tout ce qu'il a annoncé. Je reprends cette phrase finale. Pour que le terrestre soit bien gravé à l'intérieur. Je te dis. Dieu, le Saint-Esprit parle au peuple de Dieu. Et moi j'ai été chargé d'instruire le peuple de Dieu. Pourquoi il n'est pas de ce peuple italien? Je sais et je suis confiant par la commission divine. Je suis envoyé pour instruire le peuple de Dieu. Celui qui m'a parlé a dit, instruis mon peuple. Il a dit, j'étais suscité à dessein pour être et instruire mon peuple. J'ai parlé à son peuple là. Dit même Saint-Esprit là. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Si tu es l'un d'eux, reçois la chose. Ce que nous avons dit, Yamba. Croyez simplement. Croyez. Vous comprenez ce qu'on a dit vendredi. Dimanche, simplement. C'est comme la complication de la vaccine. Oui, alors, si, c'est le mot de la vaccine. Croyez simplement. Il a dit. Je te confirmerai cette parole. Au fur et à mesure que les jours passent, dit l'Esprit du Seigneur. Et le propre Adam fait un commentaire. Combien nous te remercions, Père, pour ta bonté et ta miséricorde envers nous des êtres indignes. Et pensez que maintenant, Seigneur, il va confirmer ton message que tu as promis aux gens. Je prie au Dieu que ta miséricorde repose sur eux. Vous aimez? Nous avons cette vérité. Le livre seul. Là, c'était dans l'âge de l'église de l'Odyssée. Je vais lire dans le sermon tenir de conférence. Tenir de conférence. Prêcher le 8 juin 1960. Environ 6 mois avant ce que nous venons de lire ici. Discerner l'esprit prophétique. Mais Dieu nous vient en aide à tel point que si tu refuses, je sais que c'est toi-même alors. Tes propres raisons. Tu es dans ta situation. Alors, tenir des conférences, paragraphe 70. Que pendant que nous avons la tête inclinée, y a-t-il des pécheurs ici qui aimeraient s'approcher ici juste une minute? Peut-être que cela ne vous aidera pas. Mais je désire me rassurer de ceci. Je vous ai dit l'exacte vérité. Assurément. Je désire me rassurer qu'il n'y a pas un seul pécheur sur ce camping. Permettez-moi de dire ceci. Ainsi dit le Saint-Esprit. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Vous devez naître de nouveau. Et la prédication de mercredi, son inspiration profonde était un appel de Dieu à ce que chacun de vous naisse de nouveau. Vous devez naître d'en haut. Et si vous êtes ici ce soir, ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est à moi. Olandi, si vous êtes là ce soir, ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est à moi. Et l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme, c'est la confirmation de Dieu. Qui dit amen? Ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est à moi. J'ai dit la vérité. Vraiment point. La chose même qui confirme cela est une réponse de cet esprit prophétique. Qui discerne les pensées qui est autant présent que dans le ministère de William Branham, l'esprit prophétique discerne autant présent les pensées qui vous révèlent ce que vous avez fait et ce que vous ferez et ce qui vous arrivera. Toutes les situations difficiles et chaque fois d'une façon parfaite, année après année, c'est la confirmation que je vous ai dit la vérité. Tenons conférence et dégageons les résolutions. Qui dites-vous que William Branham est? Êtes-vous là? Prenons les conférences. Maintenant il dit, ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est à moi. La confirmation que ce que nous annonçons c'est la vérité. La première chose est que si un homme ne naît pas, et là, quand vous êtes il ne peut pas entrer dans le monde. Ainsi dit le Saint-Esprit. Par la bouche de William Branham. Et ainsi dit le Saint-Esprit est conforme à ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3. Et de là, prenons les conférences. Conférence débat. L'église avec son Dieu. Qui dites-vous que William Branham est? Prenons les conférences. Maintenant, ainsi dit l'Esprit de Dieu qui est à moi, William Branham. C'est la confirmation que je vous ai dit la vérité. Vous devez être spirituel pour nager ici. C'est la confirmation que je vous ai dit la vérité. Et la chose même qui confirme cela est une réponse. Ça ne doit plus être une question. Est une réponse de cet esprit prophétique qui discerne les pensées, qui vous révèle ce que vous avez fait, qui vous révèle ce que vous ferez, qui vous révèle ce qui vous arrivera. Toutes les situations difficiles et chaque fois d'une façon parfaite, et cela année après année, il y avait l'esprit prophétique en exercice. Et c'est la confirmation que je vous ai dit la vérité. Paragraphe 9. À qui est venue la parole de l'Éternel? Réponse au prophète. À qui est venue la parole éternelle? La réponse au prophète. Il avait la parole de l'éternel. N'écoutez pas une certaine conception de feuilles de figuier. Venez et croyez. Venez et recevez. Et Jésus-Christ, qui est mon Juif, c'est que je vous ai dit que je suis allé à un endroit qui est glorieux, où les vieux sont redevenus jeunes. Et ils vivaient pour toujours. Et pour ne plus jamais mourir. Et avec une promesse de retourner sur terre pour recevoir un corps glorifié. C'est la vérité. Je vous invite, mon ami pécheur. Je vous en prie. Permettez-moi de vous supplier. Laissez-moi vous persuader. Si ma genouille est pour servir à peut servir à quelque chose, si pleurer, si persuader peut aider, laissez-moi vous persuader. Ne suivez pas un autre chemin. Mais venez à Jésus maintenant. Jeunes et vieux, soyez réconciliés avec Dieu. Je m'étais ici en tant que ministre de l'Évangile. Je suis disposé à vous prendre par la main et à prier pour vous. Voulez-vous bien venir ici maintenant? Vers moi et laissez que nous prions ensemble. Mon ami pasteur, qui que vous soyez, jeunes Dieu, j'attends de vous recevoir. Voulez-vous venir maintenant? Pendant qu'il y a du temps pour la grâce, et que c'est le moment où Dieu vous appelle, donnez vos cœurs au Seigneur Jésus. Venez et croyez, venez et recevez les bénédictions, recevez les avantages de l'évangile. Discernez cet esprit prophétique et recevez un prophète en qualité de prophète. C'est clair pour chacun? Clair pour tout le monde? Un autre frère au-delà de l'Amérique lui aussi a essayé de discerner cet esprit. Il n'était pas américain. Il n'est pas américain. Mais outre-Atlantique. Outre-mer, c'était un Allemand. Vous en avez déjà entendu parler. Et vous l'avez écouté prêcher au stade de Patarafayeli. Et aussi au stade de Vélodrome. Il n'était pas américain. Avec américain. Mais il a fait aussi une description. Kasi, de ce qu'il a vu là-bas. Dans William Branham. Pouvez-vous nous lire ce témoignage? Dans la lettre circulaire numéro 39. Servir le sacre prophétique. Lettre circulaire numéro 39. De janvier 1993. La page 5 et 6. Alors, remarquez bien ceci. Dans toutes les assemblées de saints, comme dit la Bible. C'est-à-dire là où le Dieu saint est présent par sa parole. Au moyen du Saint-Esprit. Qui conduit dans toute la vérité. Il établit aussi les divers ministères. Afin que toute chose soit ordonnée correctement. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29 à 32, du chapitre qui vient d'être mentionné, il est dit que la parole doit venir au prophète pour que les autres puissent se former une opinion à ce sujet. Des frères qui ont été appelés doivent s'avancer en tant que porte-parole de la parole prophétique. Ça, c'est dans notre temps ici. Des frères qui ont été appelés au ministère de la parole. doivent s'avancer en tant que porte-parole de quoi? De la parole prophétique afin que tous soient enseignés. Car les esprits de prophètes sont assujettis aux prophètes. Il y avait donc des prophètes dans l'Ancien Testament. Et il y a des hommes de Dieu dans le Nouveau Testament, auxquels la parole est accordée par révélation. Ils sont appelés prophètes parce qu'ils ont le ministère de répartir la parole prophétique avec justesse. La parole prophétique n'est pas un terrain où n'importe qui peut venir s'amuser. Il faut avoir une maturité spirituelle pour marcher dans le domaine de la parole prophétique. Et justement, ceux qui sont appelés prophètes, ils ont reçu le ministère de répartir la parole prophétique avec justesse. Tout ce qui touche parole prophétique sera placé au bon endroit dans le chronogramme de Dieu, dans l'histoire du temps, dans la masse des peuples. Chaque parole sera située à son bon endroit. Ça, ce n'est pas le ministère des apôtres, ni des pasteurs, mais des prophètes. Vous voyez ce dont on a besoin? Que Dieu nous aide là. Avoir l'importance exceptionnelle d'un tel ministère. Là où le Seigneur lui-même peut agir. Tout est véridique et certain. Nous sommes et tout est imprégné de l'ordre divin selon le modèle apostolique. Dans le dernier chapitre de la Bible, on a lu le commentaire vendredi au sermon. Il est encore parlé du Dieu des esprits des prophètes. Et là il cite. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver. Nous avons affaire en ce qui concerne la notion prophétique. Nous avons affaire avec la parole prophétique. Les prédicateurs prophétiques et les esprits prophétiques. Parole prophétique, prédicateur prophétique, et les esprits prophétiques. Nous avons aujourd'hui la même assurance avec les prophètes et les apôtres. Apocalypse 19. Nous sommes décrits les noces de l'agneau. Et on va décrire dans Apocalypse 19 les noces de l'agneau. Et ceux qui sont conviés au banquet des noces de l'agneau sont appelés bienheureux. Car ce sont eux qui, en tant qu'élus de chaque âge, ont eu les témoignages de Jésus, lequel est l'esprit des prophètes. Il est écrit, rends hommage à Dieu, car l'esprit des prophéties est le témoignage de Jésus. Apocalypse 19, 26. Suivez ce grand témoignage. C'est le frère Eval de Franck d'Allemagne. Bon, j'ai dit l'extrait ici. Il n'y a jamais eu de temps comme ceux de nos jours où la parole de Dieu et l'action de de Dieu. Et ensemble, le plan entier de Dieu pour l'humanité ait été aussi visiblement et clairement révélé et publié. La parole de Dieu, l'action de Dieu, clairement révélé et publié, et très visiblement. Et je dis comme on en a parlé, un temps pareil, il n'y en a jamais eu. Et c'est quand même. Nous vivons en un temps exceptionnel. Un temps prophétique. Où il y a des prédicateurs prophétiques. Où on a affaire à des esprits prophétiques. Qui doivent apporter la parole prophétique. Est-ce que vous errez? C'est un esprit là. Traitez avec lui maintenant. En vérité. Le temps du soir. Du jour de la grâce. La lumière est venue. La même lumière qui a brillé au commencement resplendit maintenant à la fin. La parole prophétique est aujourd'hui par l'esprit de prophétie exactement et clairement remise dans l'ordre. Au commencement du Nouveau Testament. Voilà la grâce que Dieu nous a donnée dans cet âge. En ce temps où nous vivons, discernez cet esprit et tirez votre part dedans. L'esprit prophétique répond et lui discerne les pensées. Il vous révèle toutes les situations difficiles. Il vous dit ce qui vous est arrivé. Il vous annonce ce qui vous arrivera. Et il vous dit ce que vous avez fait. Et cet esprit prophétique est dans des prédicateurs prophétiques qui sont animés par l'esprit prophétique. Et les esprits prophétiques sont soumis aux prophètes. Quand Dieu a commencé par envoyer un prophète majeur, les prédicateurs prophétiques sont soumis à l'autorité de son messager. Et quand ils doivent présenter la parole prophétique à l'église de Dieu, c'est avec justesse dans l'ordre correct, chaque chose à la bonne place. Et l'église est ainsi instruite et que nous sommes amis. J'espère que toi tu ne regardes pas dans le vide. Tu n'entends pas pour ne rien entendre. J'espère que Dieu te fait grâce. Il avait fait grâce à Géasi d'avoir les yeux ouverts. De comprendre que la dimension surnaturelle, le message qui était soutenu et cru, le message que prêchait le prophète Élisée, il faut saisir la dimension surnaturelle de cela. Nous avons affaire à des esprits prophétiques et des prédicateurs prophétiques qui ont pour matière la parole prophétique et qui la place au bon endroit. Ça a commencé par le prophète messager et ça se relaye dans notre temps avec les esprits des prophètes qui sont soumis aux prophètes. Et notre Dieu, il est le Dieu des esprits de toute chair. Il est également le Dieu des esprits des prophètes. Vous aimez ça? Vous avez la manière de le faire? Discernez cet esprit. Et comprenez que Dieu vous aime. À cause de lui, il vous révèle tout. Les situations de votre vie, et il soutient votre marche. N'enviez plus rien du dehors. N'enviez rien de votre temps d'esclavage. Le temps de lui passer, soit passé. Faites une marche nouvelle avec Dieu. Voyez la bonne nouvelle. Repentez-vous de vos péchés. Arrachez les bénédictions que vous voulez faire. Vous bénissez le chemin. Tout le monde est en train de faire. Lève-nous pour la prière. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. C'est pourquoi le peuple les traite. Si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Oh, donnez-moi l'ancien évangile. Si bon pour moi. Oh oui, donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Oh, oui, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Nous chantons comme des gens fatigués. Est-ce que la prédication vous a fatigué ou fortifié? Hein? Est-ce qu'elle vous a fatigué ou fortifié? Mais si c'est le cas, ça doit se sentir automatiquement. Nous chantons comme des gens fatigués. Épuisés. Paralytiques. Faiblards. Non. Cette chanson ne mérite pas d'être chantée comme ça. Sinon, alors on va changer de chanson. Entonner une autre que ça. Hein? Voulez-vous? Parce que tu ne vas pas être forcé quand même. Oh. Tu comment après un sermon, merci, il est à peine 12h08. Comment on peut chanter comme ça? Fatigué. Distrait. Désintéressé. On change? Nous pouvons changer. Ok. Donc nous chantons celle-ci. Allons-y, allons avec confiance. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Satan le peut. C'est pourquoi le peuple le fait. Tous les crimes. Fais à tes mensonges, les sommets à deux. Mais rassemblez les démons, il est né bon. Donnez-moi. Angèle, donnez-moi. Je n'en veux d'autres, il n'est plus aimé, il n'est que De Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Son tombeau est vide. Il vit dans son église. Il agit chaque jour. Et il est le même. Le puissant. Le bouclier. Le rocher. Le rempart. Le refuge. La paix de la vallée. Le lys de la vallée. Le roi. Adorons-les maintenant. Et disons-lui nos besoins. Il le prend soin merveilleusement. Il est fidèle à chaque promesse. Il nous aime. Et sa miséricorde repose sur nous. Prions chacun. Prends ton temps maintenant par la Dieu. kolonzambe aina kamwe mingi maso okela nango ya nayo namoni mi zato nayo kikake buya nayo katina mokili na yembe na yembele zambe mobekisi yoma nene yoma nene na yembele zambe mobekisi yoma nene yoma Don't hold it down. Zambe aza monene. Ton Dieu est tout grand. Zambe aza monene. C'est toute preuve, toute difficulté. Il a résolu nombreux problèmes. Il a édifié sa foi. Il a consolé ton cœur. Il t'a encouragé dans la marche. A exercer le discernement. L'esprit prophétique. Marche avec Dieu et sois intègre. Prions. Dieu tout-puissant. Tu es merveilleux. Tu es prodigieux. Tu es surnaturel. Tu es miraculeux. Tu es tout-puissant conquérant. Invincible à tout temps. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Immuable. Source intarissable. Fontaine de vie. Océan de bonté. Pour le grand fleuve d'amour. Et la mer de l'infini. Que ton nom soit béni à jamais. Glorifié dans le Saint. Célébré dans l'église. Le nom miraculeux. Le nom providentiel dans lequel nous possédons tout choses. Stimule la foi de chacun à mieux faire qu'avant, à franchir son pas en avant, à faire des exploits dans le spirituel d'abord et à tous égards ensuite. Réclamons la bénédiction de la rédemption que tu nous as amenée, du sang que tu as versé, le prix que tu as payé, le prix complet. Il a étanché la colère de Dieu. Qui nous a rendu propices à sa présence. Qui a mené l'effacement de nos péchés. Et a donné gratuitement la justification. Dieu bien-aimé. Jette nos iniquités dans la mer de l'oubli. Devant l'accusateur de Satan. Et nous réclamons la vanité de ses accusations. Annule tout cela, Seigneur. Toutes les accusations de notre frère. Toutes les accusations de notre frère. Toutes les accusations de notre frère. Par le sang rédempteur. Car le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur Jésus-Christ. Laisse que la foi de chacun de nous croit. Se performe. Et accomplisse de nouveautés. Au nom du Seigneur. Exauce nos prières. Et relève chacun. Dans la dimension prédestinée. À développer la divinité. À manifester la piété, à manifester la sainteté, tous les jours à tes pieds, persévérant et vainqueur. Exauce les prières de chacun, de toutes les églises, ici et à distance, tous les croyants membres de ton peuple, confirme pour eux ton message, comme tu as dit toi-même, au fil des temps. Au fur et à mesure que les jours passent, accomplis cette promesse. Nous l'avons reçu avec reconnaissance. Sachant que tu es infaillible. Que ton nom soit adoré. Et béni cet après-midi. Béni pour la semaine. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que sa paix inonde vos cœurs.